Thank you. Ben non. T'as regardé? Qu'est-ce que je fais là, d'après toi? Évidemment que j'ai regardé, merde. T'es sûr qu'elle y était? Oui, je l'ai prise sur la table de nuit. Elle était sur le kangourou? Oui, accrochée au kangourou. Oui, bah, elle est pas là. Regarde bien. Je fais que ça, merde. Je te dis qu'elle est pas là. Alors, où est-ce que tu l'as foutue, nom de Dieu?